Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la dynastie des Kim en Corée du Nord. Kim Jong-il, 61 ans, surnommé le cher leader par les Nord-Coréens, est un homme aussi redouté que secret. On le dit arrogant, impulsif et paranoïaque, mais aussi intelligent et manipulateur. La légende dit qu'il est né dans le maquis pendant la guerre contre les Japonais et qu'un double arc-en-ciel a salué sa naissance. Il serait un génie, compositeur de 6 opéras et architecte de plusieurs grands édifices. Quelques secondes d'un portrait du leader nord-coréen Kim Jong-il réalisé par Vincent Nguyen à France 2 en 2002. Ce qui est intéressant dans cet extrait, c'est le côté mystérieux et la dimension légendaire qu'on associe à Kim Jong-il. De fait, les trois leaders qui vont se succéder de père en fils à la tête de la Corée du Nord depuis sa création en 1948 seront tous l'objet d'un véritable culte de la personnalité. Mais qui sont ces trois hommes à constituer cette puissante dynastie des Kim? Il était là depuis si longtemps à la tête de son pays, coupé du reste du monde qu'on le croyait éternel. Dans les années 30, Kim Il-sung s'était réfugié en Chine puis en URSS pour fuir les Japonais qui occupaient la Corée. Les Soviétiques envahissaient la Corée en 1945 et Staline plaçait Kim Il-sung à la tête du pays. En 1946, il créait le Parti du Travail de Corée. Sacré héros de la résistance, ce marxiste-léniniste convaincu ne quittera plus la tête de l'État. Le Parti communiste devient une gigantesque machine pour le servir et propager son idéal, un national-communisme inspiré par Mao, selon lequel chaque pays ne doit compter que sur ses propres forces. Kim Il-sung hérite d'un pays dévasté par l'occupation japonaise. Il instaure une économie socialiste dans cette Corée du Nord, jusqu'alors essentiellement agricole. Il emprunte aux Soviétiques les combinats, développe l'industrie lourde et s'appuie sur cette classe ouvrière pour imposer la dictature du prolétariat. En juin 1950, la Corée du Nord envahit le Sud, déclenchant une guerre qui fera 1 million de morts, dont 37 000 Américains. Les États-Unis ont toujours redouté ce régime fermé, ennemi juré du capitalisme. Raymond Saint-Pierre, nous rappelant la genèse qui va conduire à la création de la Corée du Nord en 1948, et qu'il résume aussi, Raymond Saint-Pierre, dans cet extrait, les faits saillants du règne de Kim Il-sung sur son pays, extrait de l'émission Le Point, diffusée en 1994. Pour nous parler de la dynastie des Kim, Kim Il-sung, Kim Jong-il et Kim Jong-un, qui règnent en roi et maître sur cette Corée du Nord depuis 1948. Je reçois Juliette Morio, qui est coréanologue. C'est une spécialiste des deux Corées, donc, auteur de nombreux ouvrages sur la Corée, dont La Corée du Nord en 100 questions, ou plus récemment encore, Le Monde selon Kim Jong-un. Juliette Morio est dans nos studios de Paris. Juliette Morio, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Madame Morio. Un mot d'abord sur l'importance de la dynastie des Kim. Quelle importance a cette dynastie, ce clan, dans l'histoire de la Corée du Nord et dans la vie des Nord-Coréens au quotidien, Juliette Morio? Mais je dirais qu'en fait, la dynastie des Kim, cela représente tout en Corée du Nord. C'est-à-dire que ce sont des dirigeants, ce sont eux qui ont reconstruit le pays et ce sont également des pères. On les voit partout, leurs tableaux, leurs effigies, leurs sculptures sont absolument partout, à l'exception toutefois, bien évidemment, de la sculpture ou de l'effigie de Kim Jong-un, l'actuel dirigeant. Et il faut bien réaliser que les Nord-Coréens ont un amour profond, ça fait partie de la propagande, pour les trois dirigeants qui incarnent littéralement la Corée du Nord. Ils incarnent la coréanité et la nation. Donc cette propagande fonctionne. Aujourd'hui encore, la perception est positive. Ils sont perçus positivement par les Nord-Coréens. Oui, il faut dire que les Nord-Coréens ne connaissent pas, n'ont pas tellement d'autres points de comparaison. Oui. Mais ils considèrent finalement ces dirigeants comme des défenseurs de leur pays. Ils sont dans un tout petit pays et ils ont l'impression qu'ils doivent le défendre contre l'avidité du monde et avoir le droit de posséder leur histoire. L'histoire de la Corée se résume en un proverbe. Quand les baleines se battent, les crevettes ont le dos rompu. La Corée a toujours été finalement gouvernée par les grandes puissances. On le voit avec le 38. 48e parallèle. Donc ces dirigeants sont là pour défendre et incarner le pays et surtout défendre le peuple. Alors commençons par le premier de la dynastie, véritable père de la nation pour les Nord-Coréens, Kim Il-sung. Parlez-nous d'abord un peu de ses origines, Juliette Morillo. Où il est né, où est-il né, Kim Il-sung, et à quel milieu appartient-il? Alors, Kim Il-sung est issu d'un milieu extrêmement simple. En fait, son père, c'était des paysans. Son père était féru de médecine orientale. Sa mère, paradoxalement, était une chrétienne. Ils avaient émigré en Mandchourie. Le grand-père était un gardien de cimetière. Et à Pyongyang, sur la colline de Mangyongdae, vous avez encore la chaumière dans laquelle Kim Il-sung est né et qui est devenue un véritable lieu de pèlerinage pour tous les petits coréens. Alors, ce qui est extraordinaire pour Kim Il-sung, c'est pas quelqu'un qui a fait des grandes études, mais il a gagné tout son aura et toute sa valeur sentimentale parce qu'il a défendu, je vous le disais tout à l'heure, le pays. Ouais. Contre les Japonais qui ont quand même occupé la Corée et ont transformé la Corée en une colonie entre 1910 et 1945. Et ça, c'est important dans l'équation, dans ce qui donnera naissance à la Corée du Nord et à cette dynastie des Kim. Parlez-nous un peu de ce contexte. Comment il se retrouve, lui, à la tête du pays en 1948 et forcément, quel contexte l'amène à se retrouver à la tête de la Corée du Nord? Mais c'est-à-dire que déjà à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le pays va être divisé en deux avec les Soviétiques qui vont devoir pacifier le nord du pays, donc au nord du 38e parallèle, et puis les Américains qui vont être au sud. Et lui va être choisi par Staline, va être choisi par les Soviétiques, et je pense qu'il va être choisi parce qu'il était jeune, et surtout il avait un charisme et cette aura de combattant anti-japonais. Et il y avait énormément de factions qui s'opposaient à l'intérieur du pays et les Soviétiques ont compris qu'il avait ce pouvoir unificateur. Mais sans doute ne pouvait-il pas imaginer que ce petit Kim Il-sung, qui d'ailleurs le jour de sa présentation dans un stade où il y avait des milliers de personnes, n'a été reconnu par personne parce que on a dit c'est lui qui va vous diriger. Il avait un autre nom puisqu'il avait un nom de guerre, Song-ju, et tout le monde s'est retourné en disant mais il est où notre dirigeant? C'était un tout jeune homme. Et puis finalement, au fur et à mesure, la Corée du Nord va se construire, mais Kim Il-sung va éliminer toute référence à l'Union soviétique, toute référence en tout cas à Staline et à un régime stalinien. Le mot même de Staline va être banni des écrits, il y aura des purges. Et ce jeune Kim Il-sung va rapidement donc s'imposer et se faire connaître plus que ça. Il est aujourd'hui encore, puis ça m'intrigue, des trois générations de Kim, c'est encore lui aujourd'hui, Juliette Morillo, qui reste le préféré des Nord-Coréens. Pourquoi? Alors, il reste tout simplement le préféré parce que son nom est évocateur d'une époque durant laquelle la Corée du Nord était finalement plus riche que la Corée du Sud, alors que la Corée du Sud avait du mal à avancer au lendemain de la guerre, à se reconstruire. On était en plein miracle économique, il y avait des dictatures militaires. Au Nord, on avait de l'argent, on avait de la nourriture, des vêtements, de l'éducation. Le système communiste fonctionnait extrêmement bien, donc c'est une espèce d'âge d'or de la Corée du Nord qui est toujours dans la tête des Coréens aujourd'hui. Et puis, il ne faut pas oublier non plus qu'il avait un très grand charisme. C'était un homme simple, mais qui allait vers les gens, qui est toujours représenté de façon très souriante, finalement comme le dirigeant actuel, mais ouais. Pas comme son propre fils, on le verra tout à l'heure. Des dizaines de milliers de citoyens défilent devant la statue géante du défunt président à Pyongyang. Tant qu'il a vécu, le peuple a été contraint d'adorer son grand dirigeant. Maintenant, ils doivent se plonger dans la désolation. Des indices démontrent que le fils aîné de Kim Il-sung, Kim Jong-il, qui a été désigné par son père comme son successeur, a réussi à consolider sa position. Les médias officiels commencent à chanter ses louanges et ils président le comité chargé d'organiser les obsèques du président. Il est possible que ce personnage imprévisible, connu pour son goût pour les jolies filles, la boisson et le cinéma, soit obligé de partager le pouvoir avec d'autres membres du clan Kim et avec les militaires. Extrait d'un reportage de Patrick Brown à la mort de Kim Il-sung en 1994. C'est donc Kim Jong-il qui va succéder à Kim Il-sung à sa mort. Son règne va être plus difficile, on l'a un petit peu évoqué il y a un instant, que celui de son père, et on va y revenir. Mais un mot d'abord, Juliette Morillo, sur Kim Jong-il lui-même. Comment décrire sa personnalité? Alors, contrairement au fondateur Kim Il-sung, qui avait un grand charisme, lui, ça va être un personnage extrêmement introverti. Alors, il est né en 1941 dans un camp militaire russe, même si la géographie le fait naître dans un mont mythique, le mont Pektou. Mais il aura, je crois, été très marqué, c'est peut-être de la psychologie facile, mais il aurait été marqué dans son enfance, d'une part par la noyade accidentelle sous ses yeux de son frère, qui avait à peu près son âge, et puis, alors qu'il n'avait que 7 ans, par la mort aussi, des suites d'une fausse couche, de sa mère qu'il aimait beaucoup. Donc il a gardé de tout cela une personnalité beaucoup plus introvertie. Quand on regarde les photos, on voit un homme qui est assez petit, qui sourit beaucoup moins, qui va moins vers les gens, qui est toujours entouré d'énormément de militaires, qui fait des visites de terrain parce qu'il faut le faire, mais qui a moins de contacts. Donc c'était un bosseur. Ouais. Madeleine Albright l'a rencontré, avait été très très étonnée de voir à quel point il travaillait ses dossier. C'était un grand travailleur, un bosseur, et qui n'a peut-être pas eu de chance avec les conditions du temps pendant lequel il aura gouverné la Corée du Nord. Alors revenons à ces difficultés nombreuses qu'il devra gérer. Kim Jong-il, je le disais, son règne va être beaucoup plus difficile que celui de son père. Pourquoi? Il y a quelques éléments d'explication, mais pourquoi? Essentiellement, ce sera plus difficile pour lui. Ben, ce qui va se passer, c'est que au début des années 90, il va y avoir la chute de l'URSS et de tout le bloc de l'Est, et la Corée du Nord dépendait grandement de l'importation en énergie. Donc vous allez avoir la chute du bloc de l'Est, donc toute l'industrie va se trouver paralysée, et en plus, parallèlement, vous allez avoir toute une série de catastrophes climatiques. Vous allez avoir des inondations, vous allez avoir des périodes de grande sécheresse qui vont entraîner des glissements de terrain, puisque les montagnes auront été déboisées pour brûler finalement tout le bois pour compenser le manque d'énergie. Et ça va entraîner une famine qui aurait fait des millions de morts. On ne sait pas exactement combien de morts, mais qui aura été terrible. Et tout le monde a en tête ces images terribles d'enfants exsangues traversant le fleuve Tumen et le fleuve Yalu qui font la frontière avec la Chine en quête de nourriture. Donc c'était une grande famine que les Coréens appellent la marche ardue et qui est véritablement ancrée dans les mémoires, qui va rendre même l'image pour les Nord-Coréens de Kim Jong-il un petit peu négative, parce qu'il va être associé à une des périodes les plus dures de leur histoire. Et cette famine va l'obliger, parce que les gens veulent, les femmes surtout, quittent la Corée du Nord, vont travailler en Chine, ça va l'obliger à une certaine ouverture de l'économie nord-coréenne au secteur privé. Comment ça va se faire, cette ouverture? Puis de quel degré d'ouverture peut-on parler, Juliette Morillo? Alors, dans un premier temps, en effet, les usines vont se trouver à l'arrêt et les hommes vont continuer de devoir aller pointer dans les usines, alors que les femmes, finalement, vont prendre le destin de leur famille, en main, et vont aller chercher de la nourriture, des vêtements, de l'huile, du sucre, des médicaments en Chine et revenir en Corée du Nord. Et là, elles vont créer une sorte d'économie de marché, elles vont vendre cela, et ça va être un début d'économie libérale qui va être autorisée comme une sorte de soupape de sécurité pour que finalement la Corée du Nord n'implose pas. Et puis parallèlement, alors que la Corée du Nord ouvre, ferme son économie à ses tentatives d'économie privée, libérale, Kim Jong-il va se rendre dans le sud de la Chine, dans le Guangdong, et regarder le modèle chinois, c'est-à-dire comment la Chine finalement s'est modernisée, tout en gardant finalement un parti unique, et les deux vont transformer l'économie jusqu'à nos jours. Le grand camarade Kim Jong-il, secrétaire général du Parti du Travail de Corée, président de la Commission nationale de la défense et commandant suprême de l'Armée populaire de la Corée, est décédé. Il est mort d'une maladie soudaine le 17 décembre dernier. C'est avec un immense chagrin que nous en faisons l'annonce. Extrait du téléjournal nord-coréen du 19 décembre 2011. Avant d'aller plus loin, un petit mot quand même, Juliette Morillo, sur ce qu'on vient d'entendre, cette présentatrice nord-coréenne du journal télévisé en Corée du Nord, qui est en pleurs quand elle annonce la mort du leader nord-coréen. Qu'est-ce que ça nous dit sur le régime, sur ce qu'on présente tous les jours à la télé, puis peut-être plus largement sur ce qu'a signifié ce deuil pour les Nord-Coréens? Alors, tout le monde a en tête aussi les images de toute cette foule ramassée à Pyongyang et se tordant les mains de douleur, hurlant, alors que passait le catafalque de leurs dirigeants sous leurs yeux. On a pu imaginer que tout ceci était contraint, forcé, et en fait pas du tout. Il faut bien réaliser que les Nord-Coréens, que les Coréens ne voient pas dans leurs dirigeants un homme politique, mais avant tout un père. C'est ainsi qu'à travers la propagande et à travers l'endoctrinement, il leur est présenté donc à l'école, partout, tout au long de leur vie, mais même au sein de la famille. Mmh. Et cette présentatrice qui est là finalement pour que tout le monde connaît avec son costume rose, et là finalement à tous les grands moments du pays, donc le décès du leader, mais également les essais nucléaires, les essais balistiques. Elle est devenue l'image de la Corée du Nord et elle présente, il ne faut pas l'oublier aussi, ces journaux télévisés devant une image d'un cratère. Ouais. Ce cratère, c'est le mont Paektu, c'est un mont mythique pour les Coréens. C'est une sorte de message subliminal qui relie finalement ce cratère où serait descendu du ciel il y a des milliers d'années le premier Coréen de la péninsule, je dis bien de la péninsule, et c'est là aussi où sont nés, d'après la géographie, les dirigeants. Mmh. Et les trois Kim en Corée du Nord s'appellent la dynastie du mont Paektu, qui est le nom de ce cratère. Donc tout ça, c'est une sorte de fil d'Ariane, ouais, tressé à travers l'histoire, mais également tissé à travers l'émotion des Coréens et qui est censé aussi toucher les Coréens du Sud. Ouais. C'est donc Kim Jong-un qui va succéder à son père à sa mort en 2011. Pourquoi lui d'abord, Juliette Morillo? C'est le benjamin de la famille. Pourquoi lui plutôt que son frère aîné, par exemple? Alors, son frère aîné, son demi-frère, Kim Jong-nam, tout le monde a entendu parler de lui, puisque c'est lui qui s'est récemment fait assassiner à l'aéroport de Kuala Lumpur. Lui se serait finalement disgracié en allant à Disneyland au Japon avec un faux passeport portoricain. Donc, il est tombé en disgrâce, il s'est exilé à Macao, et puis finalement, il a dû représenter un danger potentiel pour la Corée du Nord, puisqu'il a été assassiné. Kim Jong-un a été choisi, lui, plutôt que son propre frère aîné, parce qu'il avait aux yeux de Kim Jong-il, son père, la véritable carrure d'un dirigeant. Autrement dit, il était fort, il réussissait bien ses études, il était carré dans ses pensées, et c'est pour cela, ouais, qu'il aurait été choisi plutôt que son frère aîné. Et de fait, quel genre de dirigeant et quel genre d'homme est-il? Alors, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, c'est quelqu'un qui est très rationnel, qui est assez froidement rationnel, qui a fait des études. Alors, non seulement des études en Suisse, comme on le sait, mais là, il n'était encore qu'un adolescent, c'était au collège. Mais ça lui a quand même permis, ainsi que le disent les Coréens, de voir ce qu'était le monde, d'où cette volonté actuelle d'ouvrir le pays sur les hautes technologies. Mais après, il a continué ses études à Pyongyang. Donc, il a beau être jeune, c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre, mmh, et qui est construit, je ne vais pas dire à l'occidental, mais qui a fait des études, et des études assez poussées, et qui aussi cultive énormément une image évoquant pour les Coréens le grand-père, donc le fondateur, ouais, de la dynastie Kim Il-sung, et il est aimé des Coréens aussi parce qu'il a ce même charisme et il essaye d'imprimer un petit peu de jeunesse au gouvernement, ouais, c'est-à-dire on le voit avec sa femme, il est très proche des gens, donc il modernise la Corée, mmh, du Nord. On ne peut pas faire une émission sur la dynastie des Kim sans parler, et en parlant de Kim Jong-un, sans parler de la menace nucléaire. Un tout petit mot là-dessus, dans quelle mesure cette menace, elle est réelle et sérieuse? Alors, incontestablement, même si la communauté internationale a voulu longtemps se mettre la tête dans le sable, la Corée du Nord possède l'arme nucléaire et possède des missiles balistiques, en effet, capables d'atteindre le territoire américain. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la Corée du Nord n'a pas l'intention du tout d'en faire usage. La Corée du Nord se juge depuis la guerre de Corée, donc 1951, sous menace permanente américaine, oui. Et a développé son programme nucléaire parce qu'elle avait elle-même été menacée par deux fois de l'arme atomique. Donc finalement, cette arme nucléaire, c'est une sorte d'assurance-vie. Les Nord-Coréens sont très rationnels, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas dangereux, mais ils sont rationnels, c'est-à-dire qu'ils ne dénucléariseront jamais. Ils veulent posséder cette arme de façon à pouvoir dialoguer d'égal à égal avec Washington, eux, tout petit pays, être capable de dialoguer avec le monde. Et cette arme nucléaire est avant tout dissuasive. Ouais. C'est cette menace, au fond, nucléaire qui permet au régime de survivre. On termine sur la survie de ce régime, justement, Juliette Morio. Est-ce qu'il est menacé d'une manière ou d'une autre, ce régime, et par qui? Alors, ce régime n'est probablement pas menacé d'un écroulement interne, même si on ne peut pas savoir réellement ce qui se passe en Corée du Nord. Mais il n'y a pas de dissidence réelle en Corée du Nord, même si on n'est pas non plus à l'abri d'un coup d'État. En fait, ce régime, paradoxalement, est entretenu depuis des années par les contradictions de la communauté internationale. En deux mots, qui aurait intérêt à ce que la Corée du Nord s'effondre? Le Japon. Le Japon, même si c'est l'allié des États-Unis, n'a pas envie d'avoir un bloc asiatique animé de sentiments anti-nippons datant de la Seconde Guerre mondiale. La Chine n'a pas envie de voir son allié historique s'effondrer et surtout d'avoir des troupes américaines à ses portes. Donc elle a besoin d'un État tampon. Et puis maintenant, arrivons aux États-Unis. Finalement, les États-Unis, face à la montée en puissance chinoise, de plus en plus importante, puissance économique, puissance militaire, finalement une Corée du Nord diabolisée, qui est là, est bien utile pour permettre de conserver 30 000 hommes ouais. en Corée du Sud, à peu près autant à Okinawa, et puis aussi aux Philippines. Est-ce que la jeunesse et la modernité, en fait, que vit cette jeunesse, même en Corée du Nord, cette modernité arrive, cette technologie arrive, est-ce que la plus grande menace ne viendra pas éventuellement de là? Je pense que c'est en effet plus dans l'avidité de toute une jeunesse nord-coréenne qui est de moins en moins isolée du monde. Pensons tout simplement aux cartes micro SD, aux clés USB. C'est finalement l'apport de l'information, de la connaissance qui pourrait réduire finalement l'engouement pour l'idéologie et que c'est beaucoup plus dangereux pour le régime que la menace américaine, ouais. La connaissance, l'information qui pénètre dans le pays, qui est de moins en moins fermé, qui est de plus en plus poreux, c'est probablement le véritable danger et c'est véritablement le défi que devra affronter la Corée du Nord dans les années qui viennent. Juliette Morio, spécialiste des deux Corées, auteure entre autres de l'ouvrage « Le monde selon Kim Jong-un », merci infiniment d'être passée dans nos studios. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.